Jalil, il est probable que l'on ait une petite averse au début de la rencontre, mais le risque diminuera au fil de la soirée. La première. Il est 16h. Votre journal, Marie Van Cutsem, bonjour. Bonjour à tous. Les suites de l'agression du commissaire Pierre Van der Smissen lors de la manifestation nationale du 24 mai. L'homme qui l'avait frappé à la tête, un militant FGTB, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bruxelles cet après-midi. L'homme avait fui après l'agression et le commissaire, gravement blessé, avait dû être emmené d'urgence à l'hôpital. 2 ans de prison avec sursis, donc l'avocat du prévenu, maître Pierre Huet, aurait souhaité une peine plus légère, mais il ne semblait pas, à la sortie de l'audience, vouloir interjeter appel de la décision. Écoutez-le. Je suis, pour ma part et à chaud, satisfait du jugement. Maintenant, je veux en parler à M. Fauré, lui annoncer d'ailleurs le jugement. Je dois revoir le jugement dans les détails, mais d'une première audition, en tout cas, il semble que le tribunal réserve à statuer le lien causal entre le coup porté et la blessure du commissaire Van der Smissen. En tout cas, le tribunal l'a évoqué, il n'a pas statué à cet égard. Vous aviez estimé 1 an pour ce genre de fait? J'avais demandé de ne pas dépasser 12 mois d'emprisonnement. Le parquet avait requis 36 mois. C'est une peine tout à fait intermédiaire qui est prononcée et qui me paraît satisfaisante. Des propos recueillis par Roland Brunel. Il faudra bien attendre la rentrée pour la confection du budget fédéral 2017. En principe, l'échéance tombait début juillet, mais l'exercice a été reporté. Pourquoi ? Eh bien parce que la conjoncture post-référendum sur le Brexit est difficile à évaluer et aussi parce que le comité de monitoring a demandé un délai pour rendre son rapport sur la situation budgétaire. Bref, Charles Michel préfère fixer le début des discussions sur le budget et les mesures qui l'accompagnent au 16 août. En revanche, petite surprise, le Premier ministre a annoncé qu'il réunira ses ministres le 23 juillet pour un séminaire. Il s'agira d'évaluer l'état d'avancement de l'accord de gouvernement qui avait été conclu en décembre 2014. Écoutez Charles Michel au micro de Pierre Magos. En un mot, j'ai envie de vous dire que nous avons creusé un sillon, il y a une orientation, il y a un cap, nous mettons en œuvre des réformes, nous tentons de tenir aussi le cap budgétaire et nous avons pour les prochaines semaines de la clarté sur la manière d'organiser les travaux. 23 juillet, état d'avancement et concrétisation de l'accord de gouvernement, premier point. Tout le mois de juillet va être occupé par la préparation technique des travaux budgétaires et des réformes qui devront être finalisées après l'été. Et donc, pour résumer, la semaine du 16 août, nous reprenons les travaux politiques, budgétaires et socio-économiques. Une fusillade en cours dans une base militaire à Andrews, c'est aux États-Unis, dans le Maryland, près de Washington. La base militaire a été bouclée, le tireur est à l'intérieur. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails pour l'instant, mais évidemment, nous vous tiendrons au courant de nos prochaines éditions. La course à la succession de David Cameron est ouverte. Ils sont 5. 5 candidats pour le poste de Premier ministre au Royaume-Uni. Theresa May, la très ferme ministre de l'Intérieur. Il y a le ministre de la Justice, Michael Gove, qui s'est déclaré ce matin. Stephen Crabb, le ministre du Travail. Liam Fox est l'ancien ministre de la Défense. Il fait figure d'outsider. Et enfin, il y a Andrea Leadsom, la secrétaire d'État à l'énergie. Dans cette liste, une surprise, aussi une fameuse. Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, le candidat le plus attendu, s'est finalement rétracté aujourd'hui. Du football et une tuile en vue pour les Diables à l'Euro. Jan Vertonghen s'est blessé à la cheville ce matin. Il est forfait pour le match de demain soir face au Pays de Galles. Il sera écarté des terrains pour 4 mois. Qui le remplacera? Eh bien, il faudra sans doute attendre la conférence de presse de Mark Wilmots à 18h30. À l'Euro, l'affiche du jour, c'est le premier quart de finale ce soir. À 21h, la Pologne affronte le Portugal. Et puis du tennis également dans l'actualité sportive avec les 2 matchs des derniers Belges qui étaient en lice à Wimbledon. David Goffin a battu sans difficulté le Français Édouard Roger Vasselin 6-4, 6-0, 6-3. Il se qualifie pour le 3e tour. Kirsten Flipkens, par contre, a perdu face à l'américaine Madison Keys 6-4, 4-6, 6-3. Voilà pour les infos. Merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. Alors, il y a eu un soulèvement Mais que se passe-t-il? Jan Vertonghen, ça vous a fait mal, hein, j'ai vu ça. J'ai presque eu du mal à me concentrer pour lire la suite. Toute l'info en même temps, voilà, on est passé à côté. Mais Vertonghen, à un moment, est-ce que c'est une méthode, une tactique signée Wilmots? hein, pour tromper les adversaires. C'est une technique pour justement tromper l'adversaire de demain et se dire qu'à la dernière minute, comme par hasard, il ne boite plus. La méthode Van der Smissen. Bah oui, voilà. En tout cas, merci. Ça sent le grand débat ici, je vous laisse. Retour de l'info tout à l'heure à 16h30 avec vous, Marie. D'ici là, oui, nous sommes presque sérieux sur la première. Essuie de sport ou essuie de bain? Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Pour finir, on n'osera plus aller en vacances qu'en Angleterre. Ou au Liechtenstein. Ma prochaine vacance, c'est au Liechtenstein. Justement, ça m'amuse à aller klaxonner avec mes deux petits frères, surtout les deux petits là. Quand, à peine qu'ils ont mis un goût, ils ont commencé à hurler. Donc c'est ça que j'étais bien contente pour eux. L'enfant prend la voiture pour aller klaxonner avec ses petits frères. On est à 2 mètres sur son nose. Hein. Oui, c'est là que je comprends pas bien. On conduit très tôt. Ça doit être de la presse locale. Scarbec, le PTB, veut que les écoliers savent nager. Vous avez eu votre bulletin? Oui. Et? J'ai un examen de passage. En néerlandais. Histoire. Ah, histoire. Oh, histoire, ça va. Ça va. Ce serait inacceptable. J'écris la réponse sur la feuille et je l'envoie en boulette de papier à Khadija, qui devrait normalement, si le prof ne nous voit pas, pouvoir lire la bonne réponse. La bonne réponse, c'est Madame Sturgeon. Bravo, bravo, bravo. Vous savez quoi, j'ai sur ma feuille un morceau que jamais de ma vie j'aurais pu croire entendre un jour sur la première. Beyoncé et Jay-Z. Et la première évolue tous les jours. Je sais, mais c'est pour ça qu'on va pas l'écouter. C'est pour pas trop pas trop déconcerter le public. Les Wallons ne se laissent pas influencer par la mode. Pour aller au travail, les Wallons sont 81% à utiliser leur voiture. Et qui plus est, à y voyager seuls. Voiture partagée, sans jamais. Les gens qui ont voté en faveur du Brexit, c'est comme tous ces gens qui se font tatouer un grand dauphin rigolard sur une planche de surf avec des grandes flammes tout autour. Le dauphin tient une guitare électrique dans ses mains. Eh bien, 10 minutes après, il regrette. Alors 20 ans et 3 enfants après, tout le monde leur demande pourquoi ils ont voulu avoir un pélican ambidextre avec un bec ouvert qui sort d'un kayak en pain d'épices. Bref, elle nous a dit, l'anglaise, qu'elle pense qu'un petit break, ça lui ferait du bien. Elle a envie d'acheter une kangou, quoi. Le plus grand restaurant sous-marin ouvrira bientôt ses portes aux Maldives. C'est magnifique, mais j'y pense. Au fond, les poissons, parce que vous voyez les poissons quand vous mangez. C'est... Ils pourront vous voir manger, mais qu'est-ce que vous allez manger? Des poissons. Regarde Nemo, cette belle sole devenue meunière. Eh bien, c'est maman. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Le 30 juin, c'est un jour un peu bizarre. Dernier jour avant les vacances, mais aussi dernier jour pour rendre sa déclaration d'impôt. Et quand on y réfléchit bien, mais le 30 juin, c'est une date qui remet au goût du jour la lutte des classes. Hein. Les riches profitent de moments d'évasion avant la remise de leur déclaration, et les pauvres, bah c'est juste après. Eh oui. Eux, en tout cas, ils ont 1h30 pour remplir une déclaration d'humour, pour lutter contre l'abattement. Ils sont prêts à faire bien plein de déductions à partir de l'actualité. Voici votre équipe du jour. En parlant d'impôts, justement, on attend toujours qu'ils nous offrent celui pour la naissance de son tout nouvel humour, il me l'a promis dans les coulisses. Ça vient. C'est Gilles Dalle. Bonjour mon Gilles. Hello Walid, comment ça va? C'est un des cerveaux de la bande. Il est d'ailleurs repris officiellement comme chef de ménage chez Manu Di Pietro. Bonjour Manu. Merci. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ah bah écoutez, très très bien. Oh alors là, vous ne me racontez même pas. Lui, il travaille au noir, en humour noir. Et le pire, c'est qu'il le déclare à chaque fois au grand jour. C'est Christophe Bourdon, bonjour. Ah, je pensais que c'était l'intro de Pierre Charette. Bonjour. Bonjour. Depuis hier, il se demande si on peut défalquer de ses impôts les dommages et intérêts judiciaires. Vincent Flibustier. Eh bien, on peut, Walid. C'est vrai. Oui. Ah, bah voilà. C'est des frais. Hein. Les indépendants récupèrent surtout. Lui, il est plutôt taxon web, hein, parce qu'en plus du calcul de l'assiette, on reçoit aussi une fourchette de l'impôt à payer. C'est Raoul Reyers, bonjour. En plus, on peut rendre plus tard. C'est vrai. Et tiens, elle est assujettie au moindre de nos désirs. C'est quelqu'un, quand on lui demande quelque chose, elle tient sa parole, quoi. Elle vient de jeter son café sur elle la vitre. C'est un homme de parole, quoi. C'est Hajar Boulège, bonjour. Elle est avec nous, elle a préparé cette émission pour vous, et puis son travail peut être taxé de valeur ajoutée. C'est Laurent Nélissen qui réalise cette émission pour vous. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font, c'est nous qui en rayons. Merci donc à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour, presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Nous recevrons un invité aujourd'hui, Vincent Engel, pour Le Miroir des Illusions, un ouvrage que nous aurons l'occasion de vous offrir également. On reviendra sur ce bel ouvrage qui clôt une envoûtante fresque romanesque, commencée avec Retour à Montechiaro. C'est aux éditions Les Escales. C'est un ouvrage que nous aurons l'occasion de découvrir avec vous d'ici une grosse demi-heure. Et au programme de 7h30, eh bien on parlera de Théo Big Brother Franken. On recevra également un invité néerlandophone qui est frappé de près par le Brexit. Et puis la révolution du discours politique, ce sera avec Gilles Dalle pour clôturer son humour 2.0. Voilà, ce sera au menu de 7h30. Seulement 2.0. Et puis des cadeaux que nous allons vous offrir également avec le qui a dit du jour. Je vous propose d'ailleurs ce qui a dit sans plus attendre. Je suis une bâtarde et j'aime bien les bâtards d'ailleurs. Mon mari aussi est un genre de sang mêlé. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? Nous vous ferons des propositions et cet été, eh bien, on a décidé de vous gâter avec, entre autres, des entrées culturelles. Et donc, on vous propose 4 places pour le PASS, le musée des sciences à Frameries, près de Mons. De quoi s'occuper en famille donc tout cet été. On rajoute à cela une clé USB, 4 places pour le PASS et une clé USB si vous vous inscrivez en envoyant CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Voilà pour le sommaire de votre bel après-midi sur la première. En attendant, voici la une du jour. C'est la une. Deux infos en chanson, en musique. Elle attend sa chance. Paul Person, l'attente et accro dans mon ordinateur. C'est avec accro que nous allons démarrer cette émission. Alors, cabinet Franken qui veut fouiller les téléphones et les ordinateurs des migrants. Comment vous le savez ? Il a lu je lis autre chose que Pif Gadget. Vous avez raison, effectivement. Les demandeurs d'asile devront soumettre leur GSM et ordinateur à un contrôle. Le secrétaire d'État à l'asile a... C'est le sujet de ma chronique aussi. Voilà. Théo Franken prépare donc un projet de loi qui contraindra les demandeurs d'asile à soumettre leur GSM et ordinateur portable à un contrôle pour permettre d'établir leur identité. Une directive européenne permet de mettre en œuvre une telle disposition en Belgique. C'est ce qu'il a expliqué lors d'une visite au Danemark. Des policiers seront présents à l'Office des étrangers pour réaliser cette opération et entre 60 et 70% des demandeurs d'asile mentent à propos d'un aspect de leur identité, qu'il s'agisse du nom, de l'âge, du trajet qu'ils ont suivi ou de leur pays d'origine. Et donc grâce au GSM et aux ordinateurs qui contiennent des informations permettant de vérifier le récit des demandeurs d'asile, on va pouvoir les traquer. Le profil Facebook peut aussi s'avérer utile. Quelqu'un peut prétendre qu'il était emprisonné à Bagdad et avoir posté une photo de lui à la plage. C'est ce qu'a renchéri le directeur de l'Office, Freddy Rosemont. Actuellement, donc un demandeur peut refuser que l'on contrôle son téléphone ou son ordinateur. Ce sera bientôt plus le cas. J'espère que Manu est allé voir dans le téléphone de Théo Franken son billet. Non, je suis allé voir dans le vôtre. Hein, j'ai une information de première importance. Dans le dernier Pif Gadget, ce sont des étoiles phosphorescentes qu'on fait en gadget. Parce que Pif Gadget est revenu en 2015. C'est vrai, le super Pif. Ah, oui, c'est revenu avec les anciens gadgets. Moi, je lisais ça quand j'étais petit, mais quand mon père a vu que c'était publié par les communistes, il m'a interdit. Bon, deuxième info, deuxième extrait. Écoutez, Paul Person, l'attente. De quoi s'agit-il ? Le camping. Le camping. Pensez qu'on va parler de camping de France du Bosque. Non, sa déclaration d'impôt devant les tours des finances. On peut rien lui cacher à ce moment-là. Voilà. C'est notre pic de la Mirandole. La prochaine. Il est sur tous les fronts, Manu Di Pietro. Effectivement, il a lu la presse du jour et il commence à nous sentir. Il sent comment on fonctionne. Il nous domine. Je traque. Dernier jour pour la déclaration d'impôt, effectivement. Et puis les fils s'allongent au SPF Finance. On les voit d'ici maintenant. Si on monte un peu sur la tour, on les voit. À quelques heures de la date limite pour envoyer votre déclaration d'impôt en version papier, les fils s'allongent déjà aujourd'hui au bureau du SPF Finance pour la déclaration papier par lettre postale. Ça urge. Vous aviez jusqu'au 30 juin 2016 donc pour envoyer votre courrier avec le cachet de la poste faisant foi, comme on dit. Comme le rappelle un fiscaliste auprès de la RTBF, on ne peut plus aller déposer son enveloppe dans la boîte aux lettres de votre bureau de taxation le plus proche. Désormais, votre déclaration doit être envoyée directement au centre de scanning à Namur. Donc, si c'est fini, vous êtes à Bruxelles et vous dites « Ah tiens, qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, il va falloir aller jusqu'à Namur, les gars. Mais ceci dit, Werther, c'était pas fou, parce que comme beaucoup de gens voulaient y aller en voiture et que tous les parkings quasiment étaient fermés, Vraiment, il y a des files sur 25 km à l'heure. Ah, il faut prendre de l'avance, je dirais, à un moment donné. C'est bottes. C'est pas la dernière minute. Personnellement, je ne lis pas toute l'actu, mais je suis drôle. Je mets une bonne ambiance dès le début. Bravo Christophe Bourdon. Votre tour viendra. Ouais. Et ben justement, Manu Di Pietro, on reste avec vous. C'est vous qui allez justement ouvrir le bal des chroniqueurs du jour. En attendant de vous inscrire, hein, vous qui êtes de l'autre côté de la radio, vous avez été récupérer les bulletins, les diplômes de vos petites têtes blondes, pas plus tard qu'hier, avant-hier, en tout cas, dernière ligne droite, c'est bientôt les vacances. Vous allez peut-être récupérer vos enfants à l'école pour une dernière fois aujourd'hui. Vous êtes déjà en partance pour les vacances, qui sait, vous écoutez la première et vous êtes presque sérieux. Ça tombe bien, on a des cadeaux pour vous. 4 places pour le pass, le musée des sciences à Frameries près de Mons. De quoi s'occuper en famille cet été, hein. On rajoute à cela une clé USB. Vous vous inscrivez pour le qui a dit du jour en envoyant ces trois lettres. CPS au 6031 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Le qui a dit du jour, je vous le rappelle. Je suis une bâtarde et j'aime bien les bâtards d'ailleurs. Mon mari aussi est un genre de sang mêlé. Des propositions vous seront faites dans un instant. Et dans la suite de C'est presque sérieux, bien on parle de Théo Frankel. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Tiens, pendant que vous y êtes, ajoutez-moi les tickets de pain. C'est Ramirez. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Les soldes XXL dans les 75 magasins Krefel et sur krefel.be, ça commence vendredi. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Le festival Couleur Café. Avec Chic et Nile Rodgers, Arnaud, Selassou, Oxmo Puccino, Brigitte, De La Soul, Magic System, Soprano, Ginzou et Youssou N'Dour. Festival Couleur Café, les 1er, 2 et 3 juillet à Tour et Taxi. Découvrez l'affiche et réservez vos places sur couleurcafé.be. Avec la première et la 2. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. La première, Mobile Info. 16h16, retrouvons qui de droit d'ailleurs pour l'inforoute, c'est Pierre Collard-Bovis. La question est posée, vous reconnaissez même mon rire. Mais écoutez, je savais que c'était vous. On reconnaît aussi votre tout. On reconnaît tout de Pierre Collard-Bovis. Pierre Collard-Bovis, alors départ de vacances, ça bouchonne ou pas encore? Non, pas vraiment, il n'y a pas vraiment de problème de départ en vacances pour le moment. Peut-être demain, mais c'est même pas encore confirmé. Quelques ralentissements dans les tunnels de la capitale, ça oui, pour l'instant. On ralentit également pour accéder à Bruxelles sur le 40 venant de Gand à partir de Ternate. Là, oui, c'est un peu bouchon de départ en vacances, c'est pour l'aéroport. Sur la 200 à Bruxelles à Ventem, il y a pas mal de ralentissements. Vous perdez une petite dizaine de minutes en direction de l'aéroport. Il faut juste le savoir pour ne pas rater son avion, bien évidemment. Alors, depuis ce matin, un camion avait versé sur le flanc dans les chaussées de haut titre, dans la bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de Zaventem à l'E19 vers Mons. Eh bien, cette chaussée est toujours ferme à la circulation maintenant. Une déviation est mise en place, bien sûr. Il faut racler, réasphalter. Les travaux devraient durer jusqu'à demain dans l'après-midi. Donc, longue fermeture. Un signal d'un accident donc, à Bruxelles, sur le ring de Bruxelles. En circulation intérieure, à hauteur de Huizingen, la bande de gauche est neutralisée en direction de Grand-Bigard. Extérieur, Grand-Bigard au titre, plus 38 minutes quand même. Plus 24 minutes pour l'extérieur, Zaventem, Grand-Bigard. Plus 20 minutes pour l'intérieur, Grand-Bigard, Zaventem. Plus 19 pour l'intérieur au titre, Grand-Bigard. Plus 15 pour l'intérieur, Zaventem, Carrefour, Léonard. Des travaux vous ralentissent sur la 54 Nivelles Charleroi autour de Pontassel. Vous ralentissez en direction de Charleroi, même si ça va mieux qu'il y a un quart d'heure. Ralentissement sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Réquiem. Vous perdez une demi-heure en direction de la France. Et enfin, un accident sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles. Après le pont de Cherat, la bande de gauche est neutralisée. Il y a évidemment des files en direction de Bruxelles. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Ils sont tous presque sérieux en ce jeudi. Excellente fin d'après-midi, l'écoute de la première. Il y a Vincent Flibustier, il y a Christophe Bourdon, il y a Gilles Dalle, il y a Raoul Reyers, il y a Manu Di Pietro dans un instant au sujet de Théo Frankel. Et puis il y a vous qui nous écoutez. Vous envoyez ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Des cadeaux pour le qui a dit du jour. De quoi s'occuper en famille cet été. 4 places pour le pass ainsi qu'une clé USB. Voilà ce que nous vous offrons avec le qui a dit. Phrase que je répéterai dans un instant. En attendant, Manu Di Pietro, les migrants qui arrivent dans notre pays pays mentent d'une manière ou d'une autre quand ils s'inscrivent comme réfugiés selon Théo Franken. Alors, maintenant, on va fouiller leur téléphone pour voir avec qui ils font vraiment des selfies, finalement. Tout à fait. Bonjour, bonjour, dites. Mais non, fini de rire les saltimbanques. Avant de commencer cette chronique qui s'annonce déjà comme la plus sévère de la saison, je vous annonce que j'ai été mandaté par le cabinet Théo Franken pour contrôler les appareils électroniques de toutes les personnes suspectes. Donc tout le monde ici va y passer. Allez hop. Je vais vous demander de vider vos poches sur le bureau et de me donner vos GSM. Bon, évidemment, je commence par vous, hein, Walid. On a des règles très strictes au ministère et très précises en termes de profilage de suspects à respecter. C'est sympa. Vous devez vous en douter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un iPhone 6S Plus 128Go en or massif incrusté de diamants dédicacé par dédiqué Céline Dion. Eh bien, c'est cool. Au moins, on sait où va l'argent que vous nous ne donnez pas. Alors, la galerie photo d'abord. Je vérifie qu'est-ce qu'on a là-dedans. Une BMW, une villa aux Outes, une autre BMW, un selfie avec Benjamin Maréchal. Ou bien essayer le coup du moi aussi, j'ai un ami comme vous. Mais on ne me la fait pas. Encore une BMW ? Mais dites, vous ouvrez un garage en plus de vos activités médiatiques. Allez, voyons voir la musique maintenant. Oula, Quentin Mosimane, une compile des francophonies de Spa. J'arrête ici, à part vos goûts musicaux, il n'y a rien de dangereux là-dedans, circuler. Bon, alors à vous, monsieur Reyers. C'est un pseudo, ça, non ? Vous n'êtes pas trop cassé la couenne le jour où vous avez sorti celui-là. Alors, une Jaguar, une photo de planche à tuner, une côte de bœuf, une Jaguar, un magret de canard, encore une Jaguar, des côtes de spiringue. Côte de spiringue, ben voilà, il fallait le dire tout de suite, c'est le mot de passe pour les comme nous, quoi. Les côtes de spiringue de porc, voilà. Allez, circulez, bonne journée. Bon, monsieur Bourdon, ouais. Voyons voir votre compte Instagram. Alors, un montage mal fait de Cameron Diaz à poil, un montage raté de Scarlett Johansson à poil, un selfie avec les frères Dardenne et Michel Houellebecq à Euro Disney, pas mal. Alors, et un montage pourri de David Jean Motte à poil sur un poney qui joue de la trompette avec son... Oula ! Tiens, non, celle-là, elle est vraie, en fait. Allez, prenez ça et cassez-vous. Ah, monsieur Dalle, qu'est-ce que vous avez comme téléphone, vous ? Un Blackberry, comme c'est mignon. Toujours vouloir sortir du lot, hein, faire de son nez, être le caillou dans la chaussure. Alors, regardons vos mails un petit peu. Tiens, la boîte de réception est vide, mais il y en a plein dans la boîte d'envoi. Celui-ci est adressé à Jacques Mercier. Salut Jacques, alors tu écris toujours des poèmes pour vieille rombière rucloise, lol. Blague à part, est-ce que je t'ai déjà parlé de mon nouvel humour fascinant 3.0 du futur ? Non ? Si tu pouvais me donner un coup de main pour trouver un éditeur, ce serait sympa. Allez, ciao le pouette-pouette, lol. Et il y en a 4235 comme ça adressés à peu près tout ce que la Belgique médiatique compte de gens connus. Allez, reprenez votre antiquité, monsieur Dalle, et continuez à travailler. Job, job, job, comme on dit chez nous. Et la cerise sur le gâteau, monsieur Flibustier. Alors voyons voir, un message vocal sur WhatsApp envoyé par un certain Marteau Michel. C'est louche ça, on va écouter. La calotte douce est moi, je suis. La cervelle de l'ormoi. Le pêche de vous mort. Je vais vous enculer, vous mort. Le sang qui est mort, vous allez manger. La calotte de vous mort. Vous avez pris le message le plus sympa. Il m'a l'air bien radicalisé, lui. Ah, c'est un patron de presse. Ah ben, bon courage à vous, alors, monsieur Flibustier. Allez, circulez tous. Merci Manu Di Pietro. Voilà, ça c'est un petit procès à 10 000. Voilà, on revient effectivement sur toute l'actualité avec une dose de lol, de recul, de mise en abîme, d'impertinence. Et il en sera question encore une fois dans la suite de l'émission avec vos inscriptions pour jouer avec nous dans un instant. Je suis une bâtarde et j'aime bien les bâtards d'ailleurs. Mon mari aussi est un genre de sang mêlé qui aurait pu prononcer cette phrase. Eh bien vous vous inscrivez, on vous fera des propositions. CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Raoul, avant votre top 3, un peu de musique. Et comment et quelle musique ? Ah ! One. It's up to you. à cette ligne de basse signée Nile Rodgers, leader du groupe Chic, qui sera en concert d'ailleurs le 1er juillet prochain à Tour et Taxi, autrement dit c'est... Moi je préfère Beyoncé. Bah, demain. Autrement dit, Tour et Taxi, je ne l'entendrai pas de chez moi. Ah, c'est pour demain, pour le festival Couleur Café, avec bien entendu la présence de la première sur place. Vous écoutiez Chic. Ça fait du bien. Vincent Engel sera avec nous dans un instant et Raoul Reyer, c'est un petit top 3 pour nous. Allez, d'accord. Il met 7 heures à souffler dans le ballon. Et d'un hasard. Un type sort du resto, il prend sa bagnole, il est légèrement éméché. Ah bah légèrement. Il roule un peu vite, il se fait arrêter. Impossible de souffler dans le ballon. Impossible de... Il se fait emmener au commissariat à 00h50. Il a réussi à souffler dans le ballon à 8h du matin, soi-disant. Ouais. Et à 8h du matin, il avait encore 1,7 g. Ah oui, énorme. Oui. Donc avec la voiture, sentait encore l'alcool le lendemain matin. Vous m'étonnez. En numéro 2. En numéro 2, depuis 20 ans, Proximus facture à un couple un téléphone préhistorique. Vous voyez les téléphones comme d'Eric, là. Oui, oui, oui, oui, oui. En ébonite verte avec un avec beau recouvrement en velours. Avec le cadran qu'on retourne. Et des petits, comment ça s'appelle, ça? Des fanfreluches qui... Oui, vous oui, voyez oui. ce que c'est, ouais. Comme sur les pantalons des hommes. Comme les mocassins, oui. Et donc, le fils, ils avaient oublié leur téléphone et payait 2,40€ par mois depuis 30 ans. Mm-hmm. Et Proximus a été d'accord de repayer 600€. Ce qu'ils ont payé pour ce téléphone qu'ils n'utilisent plus. Et vous, qui a encore un téléphone fixe comme ça à la maison? Moi, je crois que j'aurais une ligne et je connais même pas... Vous êtes qui? Théo Franken? Bon, allez, en numéro 1. Numéro 1. Le titre du jour qu'il fallait presque lire, oui, Raoul. Je voulais dire que comment est-ce qu'ils vont payer... Ils vont payer la prime de la CIO de Proximus. De trucs. Madame Leroy. S'il rembourse les clients, ça ne va pas, ça ne s'est jamais vu quand même. C'est bien. Allez, numéro 1. Un internaute a mis le discours de Boris Johnson sur Pornhub avec un titre évocateur. Trump, British Blonde, Fox... Oui, 15 millions. 15 millions. Twins. Raoul Reyers qui lit l'anglais, puis avant, il fait. Comment on dit ça, grand enfant? En appro, quand tu l'écris, évidemment. Tu aurais dû l'écrire en lettres. et donc, c'est un idiot a baisé 15 millions d'anglais une seule fois. Eh ben voilà. Sur Pornhub. Oui. J'ai dû chercher longtemps. C'était entre Pure FM et sur Google. C'est vrai? Oui, je vous jure. Ah oui, et le patronage des enfants de l'enfant Jésus. C'était entre les deux. Oui, entre les deux sur Google, ouais, mais j'ai dû chercher longtemps. Ah bah écoutez, merci Raoul pour ce petit top 3 dont seul vous avez le secret. Dans la suite, ils ont un secret. En tout cas, l'un d'entre eux va vous le révéler. C'est la personne qui aurait pu prononcer cette fameuse phrase. Je vous la rappelle. Qui aurait pu dire « Je suis une bâtarde et j'aime bien les bâtards. Mon mari aussi est un genre de sans-mêlée. Inscrivez-vous en envoyant CPS au 6031. 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On s'informe. À 16h30, on joue avec vous et on recevra Vincent Engel dans la suite de C'est presque sérieux. Il viendra nous présenter le miroir des illusions. Cet été, la première prend l'air. Musique et festival. Humour et savoir. Voyage et découverte. Des livres et des films plein la tête. Cet été, prenez l'air avec la première. Plus d'infos sur lapremière.be. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants vous feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale de Zark Henry et en voix française Patrick Poivre d'Arvor. Tickets sur hommegang.be. Avec la première, la Loterie Nationale, l'Ambassade du Japon, Léonidas et la bière Homme Gang. Besoin d'aide pour accompagner la scolarité de vos enfants? Faites appel au cours particulier à domicile Educadomo. Plus d'infos sur educadomo.be. Educadomo.be. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, gratuit, un mini-guide des calories à emporter partout cet été. Pour des vacances gourmandes sans les kilos. Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Ce dimanche, Ikea, Wilrijk, Onyul et Mons sont ouverts de 10 à 18 heures. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. Dis, je viens de renouveler mon abonnement tech. Moi, j'ai trouvé la solution. Je le fais via l'e-shop de chez moi. Trop pratique. Et moi, d'un self. Regarde, il y en a à côté de l'arrêt de bus. C'est super facile. Toi, tu veux toujours avoir le dernier mot. Hein. Avec un self ou l'e-shop, c'est facile de renouveler son abonnement. Si vous avez 65 ans ou plus, c'est seulement 36 euros par an. Easy. Simplicité sur toute la ligne. C23. c'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour nos Diables Rouges. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour et recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 2% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La Une présente le Vaux Rire, le Festival international du rire de Liège. Du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles. Avec Valérie Lemercier, Le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be. Avec le soutien de La Première. La Première présente Mineur aujourd'hui dans le monde. 8 août 1956, 262 hommes perdent la vie à Marcinelles. La mine du 21e siècle a-t-elle réellement changé par rapport à celle d'il y a 60 ans? L'exposition au Bois du Casier y répond tout en émotion jusqu'au 11 décembre. Info, leboisducasier.be. Avec la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale. La Première. 16h31. Pour vous informer, Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Yann Vertonghen est forfait pour le match de demain soir face au Pays de Galles. Et pour le reste de l'Euro, le Diable Rouge s'est blessé à la cheville ce matin à l'entraînement. Maintenant, c'est l'inquiétude pour le quart de finale demain soir à l'Euro. Qui va le remplacer? Eh bien, on tentera d'y voir plus clair dans le journal de 17h. Bravo d'ailleurs. Ah bon? Alors la suite des infos, c'est cette nouvelle fusillade aux États-Unis. La base aérienne d'Andrews près de Washington est bouclée. Un tireur serait dans la base. Pour l'instant, on a peu d'informations. Tout le personnel en tout cas reste confiné dans les bâtiments. Cette base militaire est celle qui accueille l'avion du président des États-Unis. Elle abrite aussi des milliers de militaires américains et leurs familles. Demain, le festival Werther ouvre ses portes. Couleur Café aussi, c'est l'ouverture de la saison des festivals. Et il y en a quelques-uns en Belgique, pas des moindres. Pourtant, ces dernières années, le mouvement s'essouffle. La fréquentation des festivals est en baisse. Le prix élevé, la météo, les affiches. On analyse tout cela dans CQFD à 17h45. Pascal Claude recevra Christophe Goutas du CRISP, le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique. Et Rudy Lyonnais, coordinateur éditorial Pop Culture à la RTBF. Merci Marie, retour dans l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux sur la Première, 16h-17h30 avec Walid. Nom de Dieu. Mais oui, mais Dieu. Vertonghen quoi les gars. Allez chercher vos crampons. C'est le week-end crête or. Non, ça c'est. Non, c'est Nagoland. Ça c'est le seul que vous connaissez. Mais non, je les connais. Ouais, enfin, pas tous. Vertonghen, c'est quoi son numéro? Le 22. Bien tenté, Raoul Reyers. Bon, en attendant, jouons avec l'actualité avant de recevoir un écrivain et non des moindres, Vincent Engel, qui sera avec nous pour nous conseiller, pour nous présenter Le miroir des illusions. C'est son dernier ouvrage qui clôt un magnifique autre roman. On en parle dans un instant. Et en attendant, accueillons Badreddine. Badreddine est avec nous. Bonjour Badreddine. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes... écoutez, nous, ça sent les vacances, on est en pleine forme. On vous emmène jusqu'au 15 juillet. On est là. Parfait. Voilà. Vous êtes cheminot, vous venez de Bruxelles? Tout à fait, j'habite Skarvik, je suis cheminot et je fais partie du service de sécurité de la SNCB, les hommes en rouge, la Sécurail. Ah, c'est vous? Voilà. En partie. Ah, en partie. Pour une équipe. Jouons avec l'actualité et nous allons vous proposer des passes pour le pass et une clé USB, la première, avec cette phrase que je vous rappelle. Qui aurait pu dire? Je suis une bâtarde et j'aime bien les bâtards d'ailleurs. Mon mari aussi est un genre de sang mêlé. Raoul Reyers. I'm a fucking bastard and I love bastard and my husband is also a bastard. C'était en anglais. Heureusement qu'il n'y a pas de chiffres. Écoutez, quand je vais n'importe où en Angleterre, ils me comprennent, eux. Alors, c'est qui? C'est Boris Johnson. Boris Johnson? Oui, il a postulé pour être bourgmestre d'Étainpoutre. Qu'on dit travail au niveau de la couleur, je crois. En attendant, on va demander à Manu Di Pietro. Manu, cette phrase, je suis une bâtarde et j'aime bien les bâtards d'ailleurs. Mon mari est aussi un genre de sang mêlé. Oui, mais écoutez, il y a eu ce matin une passe d'armes entre Marie-Christine Marguem et Karine Lalieu. Passe d'armes, très chouette expression. Marie-Christine Marguem a dit, je cite à Karine Lalieu, je plains votre compagnon, il doit mettre les petits plats dans les grands pour vous satisfaire. Et je suis une bâtarde et j'aime bien les bâtards d'ailleurs. Mon mari aussi est un genre de sang mêlé. C'est la réponse qu'elle s'est reçue. Au fleuret. Moucheté. C'est donc Karine Lalieu. Karine Lalieu pour Manu Di Pietro. On va demander à Vincent Flibustier. Eh bien, c'est bien évidemment la princesse Claire, la femme du prince Laurent, qui est un peu de sang mêlé. La princesse Claire, pour Vincent Flibustier. Christophe Bourdon, cette fameuse phrase, je suis une bâtarde et j'aime bien les bâtards, d'ailleurs mon mari est aussi un genre de sang mêlé. Je croyais que c'était ma boulangère pour j'aime bien les bâtards, mais non, moi je pense que c'est Carla Bruni-Sarkozy. C'est évident, ça. On voit que c'est une bâtarde. Procès à 8000. Oui. Carla Bruni-Sarkozy. Et enfin, Gilles Dall. Ben écoutez, c'est la reine Mathilde lors d'un léger coup de fatigue, Walid. La reine Mathilde. Mon cher Badreddine. Oui. Je vous rappelle les propositions. Boris Johnson, Karine Lalieux, la princesse Claire, Carla Bruni-Sarkozy ou la reine Mathilde, qui aurait pu dire « Je suis une bâtarde et j'aime bien les bâtards, d'ailleurs mon mari aussi est un genre de sang mêlé. » Attention, alors, vous sans jouez pour... hésitation. Sans hésitation. Je dirais la quatrième proposition, Carla Bruni-Sarkozy. Oh non, éliminez-en d'abord. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah oui, effectivement, Carla Bruni-Sarkozy. Alors qui a déclaré aussi plein d'autres choses. Hein. Je vous conseille l'interview juste parce qu'on se marre bien et on se dit ah. Effectivement, il a bien choisi Sarko. Au moins, pendant ce temps-là, elle ne chante pas. Elle a dit « Je ne sais pas faire une division, une simple multiplication. Je n'ai jamais su, je crois. » Voilà, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle confie. Elle évoque également la vie de famille, chanteuse, épouse de l'ancien chef de l'État. Elle aime la douceur des fins de journée, sauf pour ce qui est des devoirs. Elle déteste les devoirs. Là, elle explique qu'elle peut perdre ses nerfs. Elle ne peut pas aider ses enfants à faire ses devoirs. Voilà, leurs devoirs. C'est dur. Ah, c'est dur. Ils ont 3 ans, là, ces enfants, non ? C'est pas ça ? Oui, par exemple. Voilà. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend sa calculette quand il y a des... Ah non, je vous promets, c'est ce qu'elle bon dit. Bon exemple. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Ils doivent s'amuser, les Sarko Bruni. Ils s'appellent comme ça, parce que... Je veux dire, ils sont tous du même... Ils sont comme ça dans la famille. Non, mais ils sont tous Sarkozy, je veux dire. Ah oui, mais il s'amuse aussi. Hein, lui, en fait... Il a des doutes. S'il a un procès avec des pots de vin, machin, il dit que c'est sa femme qui a compté. Comme ça, il gagne du temps. En tout cas, Badreddine, c'est gagné. Vous repartez avec 4 entrées pour le pass, le musée des sciences à Framerie et une clé USB, la première. Vous partez en vacances, Badreddine ? Cet été, non. Non, mais en tout cas, profitez de cet été pour nous rester fidèles. À la première, restez surtout presque sérieux. On vous dit à très vite et restez avec nous, car maintenant, nous accueillons un invité. Quel invité ? Un écrivain belge, Vincent Engel, professeur de littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain. Qui ne l'est pas ? Bah, nous, par exemple. Hein, c'est aussi, pas faux. Et aussi critique littéraire et chroniqueur. À ce titre, il a collaboré avec Le Soir, Victoire et Mint en radio. Hein. Mint en radio ? Vous allez de succès en succès. Et depuis 2014, vous collaborez avec la première en tant que chroniqueur au sein de l'équipe de l'émission CQFD. Mon cher Vincent Engel, quel plaisir de vous recevoir pour ce bel ouvrage, Le Miroir des Illusions. C'est votre 15e ouvrage. C'est le 15e et je suis très très heureux d'être là, Walid. C'est que vous êtes quelqu'un qui écrivait, il n'arrête pas. Alors, 500 pages hein, quand même, Le Miroir des Illusions. Ça, c'est le bon bouquin elles pour les vacances. Remplies. Oui, c'est bien écrit. Hein. Elles sont toutes colorées. C'est en Times Roman 12. Donc, vous allez vous amuser, 500 pages, et c'est bien. Vincent, c'est une tradition dans cette émission que vous connaissez, j'en suis sûr. Bien entendu. Alors, êtes-vous presque sérieux ? Jurez-vous de l'être, en tout cas ? Je le jure. Vous le jurez. Vincent, nous allons vous proposer une minute pour nous donner envie, et donner envie à nos auditeurs de se procurer Le Miroir des Illusions, votre dernier roman aux éditions Les Escales. Top chrono. Bah écoutez, c'est difficile ce genre d'exercice. Alors, je vais essayer l'exercice du pitch, les petites phrases. Alors, on pourrait dire que c'est de la vengeance considérée comme une culture sauvage de champignons aléatoires. Parce qu'on a dans le roman des vengeances croisées, des gens qui essayent de mener leur complot et on se rend bien que c'est comme les champignons, on ne peut pas contrôler tout et ça surgit où ça peut. Ou alors on s'invente des histoires pour partir et on trouve des prétextes pour rester, qui est une phrase que j'aime bien, que j'ai replacée dans à peu près tous mes romans. Ça en fait déjà une de fait. Ici, c'est on s'invente des histoires pour haïr et on trouve des prétextes pour tuer, hein, ce qui correspond, je pense, aussi pas mal à ce roman. On pourrait dire aussi que c'est la théorie du chaos orchestrée par des démiurges obsessionnellement égotiques, parce qu'on parle beaucoup de miroirs et ce sont des personnages qui s'enferment dans les histoires qu'ils se sont inventés au risque de se pourrir la vie. Et enfin, la vérité, ça n'est jamais qu'une histoire à laquelle on a choisi de croire. Et chacun de ces personnages-là est dans son histoire. Et C'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. C'est l'histoire d'un leg, hein, d'une lettre et d'une mise à mort, d'une exécution, en tout cas de. Comment on appelle ça ? Vous savez quand vous. Je ne sais pas. Moi, ça c'est pour le best-of. Compter sur lui. C'est l'histoire d'un homme qui meurt, quelqu'un d'autre reçoit une lettre de chez un notaire, et dans cette lettre, il y a des noms, des noms de personnes à supprimer. Donc c'est ça, c'est un héritage, un gamin qui a vécu toujours protégé dans un petit village de Toscane, donc il est protégé par un homme qu'il ne voit que très rarement, donc Carlo, et puis donc Carlo meurt, il est appelé Athanasio, donc le jeune garçon est appelé à Genève chez un notaire, il n'a jamais quitté la Toscane, il n'est donc jamais allé en Suisse, il débarque là et le notaire lui apprend que donc Carlo se dévoile comme étant son père, lui laisse une fortune absolument énorme, à une toute petite condition, c'est qu'il tue 4 personnes. La femme de Don Carlo, son amant, de la femme de Don Carlo, pas de Don Carlo, et les 2 enfants de la femme d'Alba, donc de la femme de Don Carlo. Et vous allez pouvoir suivre donc toute cette histoire dans ce roman qui clôt d'ailleurs un autre roman. Vous avez mis du temps à le finir. Ah bah écoute, c'est un ensemble qui fait 4. Il y a 4 romans dans cet ensemble. Il y a eu Retour à Monte Chiaro en 2001, puis il y a eu Le Requiem Vénitien, puis Les Absentes, et puis celui-ci. Mais ils sont tous les 4 totalement indépendants les uns des autres. C'est genre le parrain, quoi. C'est genre le parrain. Exactement. Par Vincent Engel. Dites, et ce petit village, c'est plutôt vers chez Verhofstadt ou vers chez Gueluc en Toscane? Non, plutôt Verhofstadt. Vincent Engel, interview presque sérieuse. C'était quand la dernière fois que vous avez eu envie de crier? Quoi, Engel? Qu'est-ce qu'il a, Engel? Quand j'étais à l'école primaire, on disait toujours Engel, ta gueule. Ouais. Puis quand j'ai commencé à publier, j'ai fait des nouvelles. Alors on disait Engel, nouvelle. Donc c'est simplement la sonorité qui avait changé. Mais la dernière fois que vous avez, vous êtes sorti de vos gonds parce que une critique ne vous a pas plu. Je sais pas. Non, j'essaye. Alors, faut pas écouter les critiques. Il y a des critiques négatives, je sais pas. Non. Il y a que du positif. Pas pour Walid. Tiens, Vincent Engel. est-ce qu'on peut dire que maintenant Engel a une forte image de Marx? Oh, c'est joli, oui, c'est joli ça. On va le dire, à partir de maintenant, on va le dire. Merci Walid, celle-là je vais la reprendre, je vais la mettre sur ma page Facebook. Ah, bah écoutez, avec plaisir. Tiens, s'il y avait un Engel Land. Faites gaffe, il vous demandera des droits. Seriez-vous partisan d'une nouvelle adhésion à l'Europe et à ses valeurs? Ah, certainement. Ouais. Certainement. Je suis très, très, très européen et donc je suis très, très, très déçu et très, très déprimé pour l'instant. Ouais. Vous êtes du genre à arrondir les Engel? Oui, définitivement. Ouais. Avec du vin rouge aussi, s'il faut, ça aide. Ça aide. Tiens, votre idéal féminin, Angela Merkel? Ah, oh là là, non. Quand elle était jeune et qu'elle faisait du naturisme, elle était pas si mal. Vivement qu'on sauve Eric Emmanuel Schmitt. J'entends vos jeux de mots, là. Tiens, le Brexit, c'est un signe que désormais l'Union Européenne, c'est le mouroir des illusions. C'est bien aussi ça, mais je devrais venir plus souvent parce que vous me donnez plein d'idées là. Je peux les reprendre. Répondez surtout à la question, c'est la réponse qui compte. Non, alors ce qui serait dommage, c'est que l'Europe soit une illusion. Je pense que contrairement à ce qu'on dit, l'Europe n'était pas du tout une illusion. Là, je suis presque sérieux, peut-être un peu trop sérieux, mais c'est un rêve extraordinaire dont on a voulu faire croire qu'il n'était qu'une illusion, alors que c'est une réalité et les Européens ne se rendent plus compte de tout ce que l'Europe nous apporte au quotidien. Parce que comme on est dedans, on le voit plus, mais il faut prendre un petit peu de distance et de se souvenir de ce que c'était avant. Et donner du rêve, c'est le rôle des politiques. On parle souvent aujourd'hui. Les politiques ne doivent pas donner du rêve, ils doivent réaliser des rêves. Ah, c'est beau ça, c'est bien. Vincent Engel, bientôt chroniqueur, non, c'est presque ça. Ça vous étonne que depuis quelques décennies, notre histoire s'écrive de gauche à droite? C'est une question que j'ai essayé de développer dans une des chroniques du soir. On trouve assez normal que des gens de gauche passent à droite. C'est très rare de voir des gens de droite qui passent à gauche. Moi, c'est un schéma que je n'aime pas du tout. Je pense que la bonne géographie pour voir ça, c'est plutôt de haut en bas. C'est faux. Alain Simon, c'est chez nous. N'importe quoi, vous. N'importe quoi. Vincent Engel, restez avec nous. On va poursuivre cette aventure presque sérieuse avec vous et le miroir des illusions, c'est cet ouvrage. Eh bien, nous allons vous envoyer simplement miroir par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous aurez l'occasion de découvrir cette fabuleuse histoire qui démarre donc à Genève. C'est la suite de toutes ces autres histoires, on le disait. Oui, c'est la conclusion, mais donc je le répète parce que c'est important, il ne faut pas avoir lu les autres pour lire celui-ci. Voilà. Ils sont vraiment tous indépendants. Donc découvrez l'histoire d'Anastasio, qui va devoir supprimer des gens, d'après un legs, et dans cette lettre, que renferme cette lettre Eh bien, des noms de personnes à supprimer. Avez-vous envie de le dire? Et c'est même plus qu'une question, c'est même plus qu'une proposition. Lisez-le. Le miroir des illusions, inscrivez-vous, repartez avec. C'est Vincent Engel qui est presque sérieux, oui? Non, il y avait Alain Simons, mais aussi Benjamin Maréchal. M'arrêtez. C'est pas possible. Bon, dans la suite. Si je peux mettre une bonne ambiance. Et Nicolas Beutin. Une presque star qui sera avec nous d'ici quelques minutes. Mais comment vous êtes? C'est phénoménal. Vincent Engel. Excusez-les. D'habitude, ils sont pas comme ça. Il y en a encore un autre. Walid, il était où avant? J'étais partout. J'ai tout fait. Tiens, Vincent. C'est pas faux. Vincent Filbertier, vous êtes là. Raoul Reyers est là. Vincent Engel également. Gilles Dalle aussi. Manu Di Pietro. Et puis, ça va être à lui de se coller. Christophe Bourdon, vous nous parlez de quoi dans la suite? Dites-moi, mon Christophe. Vous allez voir, on va recevoir un invité qui est frappé de plein fouet par le Brexit. Enfin, chérie, sois raisonnable. Après tout. Nous sommes mariés. Considère ça comme un divorce. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. Le beau vélo de Ravel, en partenariat avec Engie Electrabel. Tous à tourner ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases d'Epolo et de Grand-Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec la première et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Comment bien manger quand... On a une furieuse envie d'aller à la pêche aux moules. Alors sortez vos filets. La saison des moules a commencé chez Deleuze. Des moules charnues et succulentes pêchées en Zélande et livrées quotidiennement pour une fraîcheur absolue. Profitez-en. Jusque mercredi, le deuxième ravier de 1 kg de moules super est à moitié prix. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. La première, Mobile Info. Et à 16h46 et 50 secondes et 51 secondes, 52, c'est Pierre Collard-Bobby qu'on retrouve. Il était de droite. Avec un gros problème sur le ring de Bruxelles, un gros ralentissement en tout cas, on n'en connaît pas vraiment la raison. Sur l'extérieur, en circulation extérieure, c'est un 20e Grand Billard. Vous mettez 63 minutes de temps de parcours supplémentaire, je dis bien supplémentaire. 32 minutes en plus pour l'extérieur Grand Billard au titre, plus 28 minutes pour l'intérieur au titre Grand Billard, plus 26 minutes pour l'extérieur Carrefour-Léonard-Zaventem, plus 22 pour l'intérieur Zaventem-Carrefour-Léonard, plus 19 minutes pour l'intérieur Grand Billard-Zaventem et plus 17 minutes pour l'intérieur Carrefour-Léonard au titre. C'est dire que le ring est bien encombré aujourd'hui. Une voiture est signalée sur le toit sur la N25, Nivelle Corbet autour de Genappe, c'est en direction de Corbet. Des travaux volontiers sur la 54 Nivelle Charleroi en direction de Charleroi. Un accident sur le 411 Bruxelles-Luxembourg à hauteur de Tellin. La barre de droite est neutralisée en direction de Luxembourg. C'est un mobilo mais un camion qui sont entrés en collision. Et puis, des ralentissements toujours sur le 17 Courtrai-Lille, à hauteur de Requem. 40 minutes perdues en direction de la France. Vous ralentissez dans les tunnels de la capitale. Vous ralentissez également sur le 40 venant de Gand à partir de Ternate pour entrer dans Bruxelles. Toujours ces ralentissements sur la 200 Bruxelles-Zaventem en direction de l'aéroport. Et puis, on rappelle que la bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de Zaventem à le 19 vers Mons est fermée à la circulation en raison d'un accident qui a eu lieu tout à l'heure. Il faut réparer la chaussée maintenant et ces travaux dureront jusqu'à demain après-midi. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. C'est presque sérieux sur la première. Nous sommes presque sérieux et il est tout autant, c'est notre invité Vincent Engel qui vient nous présenter le miroir des illusions. Il est question de manipulation, d'inceste et quand je dis manipulation, même le lecteur est manipulé hein, parce qu'on croit tout savoir et au final en fait on ne sait rien. Ouais. C'est bien foutu, 500 pages que nous vous offrons, n'hésitez pas à envoyer miroir par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Je suis tombé sur une photo sur les réseaux sociaux avec Ribéry et Deschamps et la légende c'était « moi moche et Deschamps ». Je trouvais ça drôle, j'avais envie de le partager avec vous. Je trouvais ça sympa. En attendant, c'est Christophe Bourdon qui relate l'actualité avec nous. La décision du peuple anglais de quitter l'Union européenne est bien entendu un choc majeur dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Et justement, bien Gilles, aujourd'hui, avec Christophe, vous allez recevoir un Flamand qui est directement touché par cette nouvelle et je crains l'accent. Yeah. Oui, Vincent Vanneau, vous avez 53 ans. Vous habitez Bray, en province du Limbourg, au 56 rue des Artificiers. Vous travaillez au Colruyt de Bray et vous avez tenu à témoigner anonymement. Ah voilà, merci de respecter mon choix. C'est tout à fait normal, accent, monsieur Vanneau. Bah, dis, tu peux m'appeler Vincent. Hein. D'accord. Vincent. Mais non, Vincent, ça et moi. Ah, pardon. Vincent. Alors Vincent, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous vivez un terrible drame lié à l'actualité de ces derniers jours. Yeah, c'est vrai, je vis un gros drame parce que mon femme Cameron, elle a demandé le Brexit. Je ne comprends pas. Bah, c'est simple, on habite à Bray, elle ne veut plus vivre avec moi, elle a demandé le Brexit. Et comment a-t-elle fait? Bah, Cameron a organisé un grand référendum pour ou contre la sortie de notre union, bah, tout en me garantissant que le vote serait favorablement en faveur du non. C'est un peu contradictoire, non? Yeah, c'est ce que je lui ai dit, mais bon, elle en fait qu'à son tête, hein, tu sais. Et ensuite? Ensuite, on a eu les résultats du référendum vendredi passé. 52% des votants étaient favorables au Brexit. Oui, un résultat assez surprenant, j'imagine. Surtout que mon femme et moi, on était les deux seuls à voter. Alors 52%. Enfin bon, en même temps, le dépouillement a été fait par Jacqueline Galland. Qu'avez-vous fait ensuite? J'étais tellement énervé sur mon femme que j'ai balancé tous ces disques de Jacques Brel par la fenêtre en criant « Tiens, voilà déjà un Brelzit ». Et ensuite? Ensuite, j'ai fondu en larmes, je me suis jeté au pied de Cameron, je lui ai dit ne me quitte pas, il faut tout plier, tout peut se plier. Je ne comprends pas. C'est parce qu'il fallait plier le linge. Ah oui, je vois. Mais est-ce que votre épouse a avancé des raisons quant à son envie de sortir de votre union? Elle m'a avoué qu'elle avait couché avec un autre. J'ai été trompé par hasard. Je ne comprends pas comment on peut tromper par hasard. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait? Non, j'ai été trompé par Eden Hazard. Elle a couché avec lui. Ah oui, mince. Elle m'a dit qu'il a dragué pendant 90 minutes et qu'à la 68e minute, il est monté à l'attaque et qu'il a passé toutes les défenses. Et alors? Ça s'est terminé par un tir au but. C'est moche. Surtout qu'elle m'a dit, toi, au lit, tu as un ange, mais tu es fort statique, alors qu'avec lui, le diable bouge. C'est très dur. Oui, c'est très dur, c'est aussi ce qu'elle m'a dit. Sauf qu'en me racontant ça, ça l'a brexité. Du coup, elle a eu envie de coucher avec moi et elle a eu une regrette de sa brexit. Elle a fait une briguette. Et là, ça part au Canada, là. Je comprends. Et alors moi, vous avez passé trop de temps à Québec. Je pense. Alors, moi, je lui ai dit, je sais plus. Ça va aller. Tabernacle. Le burn-out en direct. Désolé, mais ça, c'est pas l'accent de Bray. Hein. Tout ceci est écrit. Je lui ai dit, enlève les balles de ma briguette. Et là, elle a proposé qu'on fasse un nouveau référendum. Et vous avez accepté? Elle avait qu'à réfléchir avant et je lui ai dit qu'on allait faire tout pour qu'elle sorte au plus vite de notre Rio. Il y a même eu du wallon. Vous entendez quoi par au plus vite? Au moins 2 ans, moi je ne fais pas traîner les choses. Hein. Ah, vous êtes pressé quoi. Surtout que... On voyage avec... Accent chinois, vas-y pour l'accent chinois. Un Mexicain. C'est surtout qu'entre nous, je suis aussi en couple avec mon voisine, tu te sues, elle est vendeuse. Je viens de bouger. Elle est vendeuse, te l'ai cru, on marche. De près. Celui-là, je le tiens bien. Ah bon? Elle fend, je crois qu'on ne comprend plus rien. Fais Bourville. Et si on arrêtait la chronique? Monsieur Debré, ça suffit. Hein, comme ça, on passe à la presque star. La chute, c'est de bon. De Funès, voilà. Allez. Merci, au revoir. La chute était bien. Ah, la chute était sympa. En tout cas, merci Christophe Bourdon, merci Gilles Dalle, merci à ceux qui... J'irai la fesse sur RTL. Merci à Gilles Dalle et à Christophe Bourdon. J'ai tout donné. Mon cher Vincent Engel, c'est une tradition dans cette émission, en plus de recevoir des gens prestigieux, bien nous mettons en avant également des anonymes. C'est la séquence de notre presque star sans plus attendre. C'est presque sérieux sur la première. Ah, j'en suis, j'en pleure. J'ai chaud. Ah là là, Caroline est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Eh bien écoutez, nous sommes ravis de vous avoir. Pourquoi parlons-nous de vous dans la presse? C'est la question que je pose à tous nos chroniqueurs et à Vincent Engel également. Vous me posez les questions que vous souhaitez, je ne réponds que par oui ou par non et on s'intéresse à vous dans 1 minute 30, ma chère Caroline. Elle vient de le dire parce qu'elle va bien, c'est déjà un événement en soi, hein. En oui, ces temps qui oui, courent. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas que pour ça. C'est culinaire? C'est culinaire, non. C'est une artiste, on peut considérer ça comme une... Elle a gagné quelque chose. Elle a battu un record, pas tout à fait là. Elle organise quelque chose, non. C'est Mélissa son prénom? Non. C'est bien, vous êtes dans la même émission que vous. C'est bien, c'est cool. Elle a créé quelque chose. Caroline. Oui. Elle a créé quelque chose, je dirais même plus, elle a inventé quelque chose. Ah, un objet alors. C'est un objet. Oui. C'est technologique. C'est technologique à un indice que voici. La crème solaire, mais ça existe déjà. De la crème solaire, vous dites, non, ce n'est pas ça. Un panneau solaire d'une utilité spécifique. Nouvelle source d'énergie. Alors, on est dans le panneau solaire, mais comment est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est un panneau solaire mobile? Non. Est-ce que le prince Laurent est venu chez elle? Oui. Ouais, c'est un chauffe-eau. Pour poulpe. Effectivement, c'est un chauffe-eau solaire. Bravo, Christophe Bourdon. La question, est-ce qu'elle est repartie depuis? Eh ben, on va lui poser la question. Caroline, vous êtes avec nous. Vous avez donc inventé un chauffe-eau solaire élaboré et entièrement fabriqué à partir de matériaux récupérables. C'est donc ce qui a valu donc à Caroline, jeune ingénieure à Wodec, c'est bien le prix belge de l'énergie et de l'environnement, un prix que le prince Laurent lui a décerné pour cette invention en main propre. C'est bien ça? Qui est lui-même un matériau récupérable. Oh, arrêtez. Non, vous ne pouvez pas ça. Là, vous pouvez enfin pas. Enfin. Vous débordez. Là. Ça, hein, c'est un procès à 14 000. ma chère Caroline, sérieusement, dites-nous un petit peu comment. Expliquez-nous un petit peu cette invention, ce sera commercialisé, je suppose. Donc, en fait, c'est un chauffe-eau solaire en matériaux de récupération. Mmh. Donc, c'est fait entièrement avec des matériaux que j'ai récupérés dans des magasins, chez des particuliers, etc. Et en fait, j'ai construit ce panneau avec comme élément principal des condenseurs de réfrigérateur. Donc, c'est des grilles. Derrière les frigos, et c'est là-dedans que passe l'eau pour qu'elle chauffe. Mmh. Et en fait, je ne suis pas vraiment l'inventrice du concept d'un panneau en matériaux de récupération, car beaucoup de personnes en ont déjà fait avant. Mais tout mon travail réside dans une recherche scientifique rigoureuse sur le choix de la conception, le choix des matériaux, et j'ai aussi déterminé le rendement du panneau solaire, etc. Et donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que vous mettez à disposition ce système à tout le monde. C'est un concept open source. Voilà, exactement. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous demander les plans et un peu comment fonctionne le panneau, et je le donne à tout le monde pour que chacun puisse chauffer l'eau à moindre prix, vu que récupérer des matériaux, ça ne coûte pas grand-chose. Eh ben, franchement, c'est pas trop compliqué de mettre le chauffe-eau sur le toit. C'était une blague, Caroline. En tout cas, on mettra toutes les infos sur le Facebook de l'émission. Plutôt les panneaux thermiques. Il sert la page de la première.be, une très très belle initiative autour des énergies propres. C'est pour tout le monde, et elle était à l'initiative. C'est notre presque star du jour. Bravo, Caroline. Merci. Prince Laurent, alors. À bientôt. Il est toujours là ? Il est reparti. Ah, il est reparti. Oui, et nous, on va revenir dans quelques minutes pour s'informer à 17h, et on reste presque sérieux avec notre invité Vincent Engel. Ah, enfin les vacances. Oui, en même temps, je pourrais très bien me choper un virus. On verra. Oui, enfin, si je pouvais éviter la touriste, hein. Bon, oui, c'est vrai, ça peut coûter très cher, un problème de santé en vacances. Mais avec l'assistance voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7 euros par mois. Et s'il vous arrive quand même quelque chose, Touring vous rembourse tous vos frais médicaux, sans exception. Allez, on relance la musique. Plus d'infos sur touring.be. Offre soumise à condition. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre un nouveau smartphone et faire du shopping. Un nouveau smartphone ? Ah oui, ça sonne bien, ça. Et une nouvelle robe. Ça sonne bien aussi. Sinon, m'offrir les deux, je peux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Huawei P8 Lite est à seulement 29 euros avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. La première et la deux présente, les VOE Spring Sessions et Omara Portuando. La chanteuse des Buena Vista Social Club en concert exceptionnel avec le chanteur de flamenco Diego El Cigala, le lundi 4 juillet au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Info, voespringsessions.be, avec le Vifle Express et la Libre Belgique. La première, la deux et le botanique présentent The Suffering of Light, une exposition photo d'Alex Webb. Ce virtuose de la photo couleur de la prestigieuse agence Magnum expose ses photos les plus emblématiques. Il y questionne les notions de frontières, du Mexique à la Turquie, en passant par Haïti. Info botanique.be, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le soir et moustique. C'est la folie des soldes chez Mediamarkt sur le plus grand assortiment de Belgique. Profitez d'un smartphone Samsung Galaxy S5 Neo d'une valeur de 399 euros à 299 euros seulement. Dès ce vendredi et même ce dimanche 3 juillet, rendez-vous dans tous nos magasins ou sur mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. La météo. Difficile de vous annoncer du beau temps quand on sait qu'on est toujours sous l'influence d'une vaste zone dépressionnaire. Résultat, aucune amélioration ne pointe le bout de son nez pour ce soir. Le ciel restera couvert et ponctué de pluies faibles à modérées au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Alors à l'arrière, entre le Hainaut, le Limbourg et le littoral, le ciel sera également chargé, mais les précipitations plus éparses. Notons que la nuit, à défaut d'être pluvieuse, sera au moins douce. Pas d'illusion à se faire dès le lever du jour et il fera toujours gris partout, ponctué de pluies faibles. Quelques timides éclaircies pourront percer vers le littoral et on note que le vent va commencer à devenir sensible et au fil des heures, les pluies vont s'intensifier avec la hausse des températures et sur les deux extrêmes, on aura droit plutôt à des averses. Côté maxima, ça restera beaucoup trop frais pour la saison, un peu comme aujourd'hui, mais je vous souhaite tout de même une excellente fin de journée à vous. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Blessé à la cheville, l'Euro de football s'est terminé pour Yann Vertonghen. Une très mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges à la veille du quart de finale de l'Euro disputé demain à Lille face au Pays de Galles. Le bilan s'alourdit, le triple attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul mardi soir a fait 43 morts, dont 19 étrangers. La police turque a arrêté 13 suspects, dont 3 étrangers. Un point sur vos conditions de circulation, et c'est avec Pierre Collard-Bovy. Marine de Bruxelles, bien bien encombrée, bien rouge à cette heure-ci, et puis une voiture sur le toit, sur la N25, Nivelle Corbet, hauteur de Bouzeval, qui vous fait perdre une quinzaine de minutes en direction de Corbet. C'est la tuile. Yann Vertonghen, l'un des défenseurs des Diables Rouges, est out. Il est forfait pour le quart de finale de l'Euro de football demain à Lille face au Pays de Galles. Yann Vertonghen s'est blessé ce matin. On le disait, une grosse tuile donc, Arnaud Montero. Mais c'est surtout Yann Vertonghen qui doit être très déçu en ce moment. Il est monté dans l'avion avec des béquilles. Ses ligaments seraient touchés. On parle d'une indisponibilité possible de 4 mois. Il s'est en fait blessé bêtement ce matin à l'entraînement. Alors évidemment, son forfait est très embêtant. Vous avez raison pour Mark Wilmots. On avait enfin trouvé une défense qui tenait la route. Et en moins d'une semaine, les Diables perdent temporairement Thomas Vermaelen pour abus de carton jaune. Et maintenant, définitivement, Yann Vertonghen sur blessure. Mais en même temps, c'est pour ce genre de pépin que les Diables Rouges partent à 23 en France. Pour Thomas Vermaelen, Jason Denayer est un remplaçant crédible. Il joue en Écosse, il connaît parfaitement le football britannique. Et pour Yann Vertonghen, la solution toute trouvée pour son remplacement s'appelle Jordan Lukaku, le frère de Romelu. Et dès lors, pas de panique, des solutions existent. Et puis la bonne nouvelle du jour, car il y en a une, c'est qu'Eden Hazard s'est entraîné aujourd'hui. Il devrait être en mesure de jouer demain, de quoi faire cauchemarder les défenseurs gallois. Et rendez-vous demain à 21h à Lille. Toujours pas de revendication après les attentats à l'aéroport d'Istanbul, mais les épreuves rassemblées jusqu'ici vont dans le sens d'une responsabilité de l'organisation terroriste État islamique. Un responsable turc a révélé les nationalités des 3 kamikazes. Il y aurait un russe, un ouzbek et un kirghize, François Walmak. Difficile de savoir comment les autorités turques ont pu identifier les assaillants dans la mesure où leurs corps ont été déchiquetés au milieu de leurs victimes. Comme après chaque attentat du genre, les équipes médicales travaillent sans relâche à l'identification des corps. Selon un journal turc, le kamikaze russe était originaire du Daghestan, une république proche de la Tchétchénie, une région où l'islam radical a fait son nid. L'organisateur de l'attentat serait d'ailleurs un Tchétchène, considéré comme un recruteur de djihadiste russophone. Il est recherché par la Russie. Des perquisitions sont menées à Istanbul avec déjà 9 interpellations d'activistes soupçonnés d'être des partisans de l'État islamique. La Turquie a longtemps été accusée d'avoir une frontière passoire, fermant les yeux sur le passage des djihadistes vers la Syrie. Aujourd'hui, Ankara affiche, mais un peu tard, sa détermination à lutter contre l'État islamique. Le ministre de la Défense, Steven Van de Putte, a reçu ce matin le feu vert du Conseil des ministres. Il va pouvoir concrétiser la grande réforme de l'armée, annoncée depuis plusieurs mois déjà. Un plan, ou plutôt, comme l'a précisé le gouvernement ce matin, la vision stratégique de l'armée. Elle repose principalement sur un réinvestissement budgétaire, comme l'exigeait d'ailleurs depuis plusieurs années l'OTAN. Voit ça avec Pierre Magos. Actuellement, la Belgique dépense 4 milliards pour sa défense. Si elle veut respecter strictement les critères de l'OTAN, elle devrait y consacrer 6 8 milliards 600 millions en 2024. On n'y arrivera sans doute pas. Par contre, notre pays entend bien convaincre ses partenaires de l'Alliance Atlantique qu'il revient dans un cercle vertueux, d'abord en stoppant les économies. L'armée consacrera par exemple dans les 3 ans qui viennent sur son budget propre 200 millions pour rattraper le retard qu'ont pris beaucoup d'équipements militaires. Et puis, on investira 9 milliards d'euros entre 2020 et 2030. Steven Van de Put. Cet effort se situera entre l'actuelle moyenne des pays européens de l'OTAN sans les puissances nucléaires et la moyenne générale des pays européens de l'OTAN. Cela revient à un pourcentage de PIB situé entre 1,2 et 1,5. Et je le répète, aujourd'hui, nous descendons en dessous des 1% et nous sommes l'avant-dernier pays de l'OTAN en ce qui concerne un input solidaire. Et ce réinvestissement dans la défense changera sans doute le visage de l'armée. Elle ne consacrera à terme plus que la moitié de son budget au personnel, contre 77% aujourd'hui. Donc moins de militaires, plus jeunes, mieux formés, plus spécialisés. Ce sont du moins les intentions que la Belgique ira plaider la semaine prochaine au sommet de l'OTAN à Varsovie. Ce qui était finalement la vocation première de l'adoption ce matin par le gouvernement de cette vision stratégique. La décision est tombée la semaine dernière. La psychomotricité n'est pas une profession paramédicale. Elle fait partie des compétences des kinésithérapeutes ou logopèdes. Seul le diplôme de psychomote ne vaut donc rien. La ministre de la Santé, Maggie Debloch, l'a confirmé. Demain, les étudiants vont manifester leur mécontentement. La Fédération des étudiants francophones organise un grand rassemblement pour demander aux autorités fédérales de faire marche arrière et de revoir leur décision. La psychomotricité devrait-elle être reconnue comme profession paramédicale? C'est la question que l'on vous pose demain dans Matin Première et vous pouvez réagir dès à présent en nous appelant au 02 737 33 33. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à matin1@rtbf.be, vous rendre sur la page Facebook de Matin Première et réagir bien sûr via Twitter avec le hashtag Matin1. 2 ans de prison avec sursis pour l'homme qui avait agressé le commissaire Van der Smissen lors de la manifestation nationale du 24 mai. Le militant FGTB a été reconnu coupable d'avoir agressé violemment le commissaire de la zone de police Bruxelles-Capitale XL. Il n'y a plus qu'un Belge en lice sur le gazon de Wimbledon. David Goffin s'est qualifié pour le 3e tour du tournoi. Il s'est imposé sans difficulté face au Français Édouard Roger Vasselin en 3-7, 6-4, 6-0, 6-3. Et le Liégeois est content de son match. C'était un super match. J'ai vraiment très bien servi. Le service était là. Il a très bien commencé avec un jeu vraiment qu'il a bien géré. Mais j'ai tout de suite débriqué. Et après, c'était parti. Je me sentais vraiment bien, bien en jambes. J'étais plus solide que lui. Même quand il montait au filet, qui était plus agressif, j'ai très bien passé. Donc, c'était vraiment un très bon match dans tous les compartiments. Donc, je suis vraiment super content de mon niveau de jeu. Il y a un moment dans ce genre de match où on se dit, il ne peut plus rien m'arriver ou bien c'est super dangereux d'avoir ce genre de sentiment? Non, il faut continuer jusqu'au bout. Surtout à la fin, même quand on a le break, il commence à pleuvoir, on commence à se focaliser sur le gazon qui glisse un peu plus. Donc non, il faut faire attention jusqu'au bout parce que sur gazon, ça peut se retourner très vite. Donc j'étais très content quand, en revenant des quelques minutes où on s'est arrêté, d'avoir pu maintenir mon service. Je savais que j'avais fait le plus dur et donc il faut être concentré jusqu'au bout. David Goffin, micro de notre envoyé spécial Christine Anquet. Et chez les dames, Kirsten Flipkens a été éliminée en 3-7 par l'américaine Madison Keys. 17h07, merci de nous être fidèles. Toute l'info est sur rtbf.be. Excellente fin d'après-midi à l'écoute de La Première. C'est presque sérieux, évidemment. Oui, nous sommes presque sérieux. Retour de l'information dans presque 22 minutes à 17h30 pour Soir Première. La Première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Ils sont tous presque sérieux et nous vous emmenons comme tous les jours de la semaine jusqu'à 17h30, histoire de clôturer, de boucler cette fin d'après-midi. Pas du tout ensoleillé, mais... il y a de beaux rayons de soleil. Le soleil dans les cœurs, monsieur. Effectivement. Ça m'est venu comme ça, une fulgurance. Encore une phrase toute faite. Pas du tout. Gilles Dalle qui est avec nous, vous l'avez entendu, et il nous proposera une chronique dont seul lui a le secret. Il sera question de quoi dans un instant, Gilles? Ouf, un tout autre sujet, inédit, absolument jamais vu, les formules toutes faites. Ah, ben voilà, justement, on en parlait. C'est la dernière fois. Il y a Manu Di Pietro également autour de la table. Ça va, Manu? Fort bien. Il y a Christophe Bourdon. J'ai encore trouvé un autre. Non, c'est bon. Il y a Raoul Reyer également autour de cette table, Walid. Vincent Flibussier qui va nous raconter des histoires dans un instant, et puis et surtout notre invité du jour Vincent Engel qui vient nous présenter le miroir des illusions, à histoire de plonger dans Ah, c'est un peu la mafia quand même, cette histoire. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ces films? On en parlait tout à l'heure du parrain pour écrire ces histoires. Non. C'est autre chose, une autre époque. Parce que là, il y a pas dans la mafia, il y a un intérêt collectif. C'est la famille, c'est le clan. Chacun défend les intérêts du groupe et se sacrifie éventuellement aux intérêts du groupe. Ici, c'est vraiment chacun pour soi. Et chaque personnage est animé par sa propre vengeance. Oui, et la vengeance est un sentiment absolument monstrueux qui vous bouffe et dont vous ne pouvez pas vous libérer avant d'avoir assouvi votre vengeance. Et quand vous l'avez assouvi, vous êtes vraiment... Alors, ce qui me fait peur, Vincent, et vous me voyez peut-être venir, est-ce que c'est inspiré d'une vie? Alors, est-ce que vous avez eu envie un jour, en tout cas en écrivant cette histoire... Combien de mecs avez-vous descendu? Oui, voilà. Non, moi, je ne descends que des escaliers. Ouais. Et donc, oui, non, j'ai eu alors, par rapport à 2-3 personnes, des envies très puissantes. Mais comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Jamais, personnellement, moi, jamais. Alors, écoutez, Camus, dans L'Étranger, il dit on a tous souhaité un jour la mort des gens qu'on aimait. Donc, on peut tous ressentir ça. Et donc, j'ai rencontré des gens que j'ai vraiment pas aimés. Par exemple, un prof d'anglais en humanité, dont je ne citerai pas le nom. Je me suis dit, celui-là, je lui en voudrais jusqu'à la fin de ma vie. Mais je sais que si un jour je me retrouve face à lui, malgré toute la. Même si j'ai une montée d'adrénaline à ce moment-là, ça va finir par bon, allez, on va boire un verre ensemble et on va devenir les meilleurs copains si du monde. Si ça se met, il est peut-être mort. Il faudrait que je fasse mon enquête d'ailleurs. Vincent Engel, tiens, vous parliez de Camus, vous allez aller prochainement du côté d'Avignon. Ouais, vous avez vu, hein, j'ai glissé ça quand même discrètement. Ouais, hein. J'ai saisi la balle au bon. Hein. Magnifique. C'est hein. Le professionnel qui sont bien. Alors dites-moi un peu, parle-moi de cette pièce de théâtre. Mais donc, c'est vrai que je suis fou de Camus depuis toujours et là, j'ai la possibilité, ça va être la première adaptation mondiale de sa nouvelle Jonas, qui est dans L'Exil et le Royaume, donc je l'ai adapté pour le théâtre, et le hasard ou les circonstances font qu'en plus je fais la mise en scène, et donc c'est avec Carlos Vaquera dans le rôle titre avec une musique originale de Charles Laus, et on va jouer tout le mois de juillet à Avignon, et puis nous serons au Théâtre du Gymnase à Paris à partir du 28 août. Et vous venez en tant qu'invité aujourd'hui, Vincent Engel, donc pour nous proposer bien un beau bouquin histoire de passer un bel été en découvrant cette histoire complètement farfelue, une histoire de vengeance, de mort, d'héritage. Le miroir des illusions, c'est peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous. Envoyez miroir par SMS au 60 31, 75 centimes le message, nom, prénom, adresse. Non, je dis, vous le vendez bien. Est-ce que de vos influences, c'est pas le film Mamma Mia aussi? Non. Parce que vous avez parlé d'un personnage qui s'appelle Alba, donc je me dis. Pardon? Un personnage qui s'appelle Alba. Ça pourrait, mais non. Alba, mais... Non, écoutez, je quitte ce plateau. C'est des fins d'initié. Vincent Flibustier est passé à lui mettre, mon cher Vincent, dans l'art de raconter des histoires. Des histoires vraies ou presque vraies, l'une d'entre elles est vraie. À nous de déterminer laquelle. C'est parti. Bonjour, messieurs Vincent. Nous sommes tout de suite, mon cher Vincent. Eh bien, vu qu'on reçoit un assassin multirécidiviste, parlons de mort. Ouais, ouais, vous pouvez faire. Ouais. Et là, il lève le doigt pour lancer un jingle. Eh oui, vive les armes à feu, youpi, c'est pas une nouvelle petite tuerie qui empêchera les Américains d'acheter des armes, bien au contraire, et là je crois qu'on tient les champions du monde. Ça s'est passé cette semaine, une armurerie américaine a décidé de soutenir à sa façon la famille des victimes, les familles des victimes d'Orlando, en organisant une tombola, avec comme grand prix un fusil d'assaut, le même que celui qui a servi à tuer 50 personnes il y a 3 semaines. Oui. Mon jingle. On va remettre le jingle. America, voilà. Eh ben, dis donc, ça c'est une histoire. C'est la classe, Non, ça nous glace. C'est même pas la classe, ça nous glace. Deuxième histoire, histoire de voir justement le vrai du faux. Vincent, nous vous écoutons. Posons-nous la question, est-il possible de mourir en tirant en l'air avec une arme et en recevant la balle qui retombe sur la tête? Pourquoi vous rajoutez avec une arme? Ben, parce que si on peut tirer qu'un arc à flèche, oui, c'est une arme aussi. Eh bien, peut-être, si on tire parfaitement à la verticale avec un Colt, par exemple, la balle retombe trop lentement pour tuer. Par contre, si on tire un petit peu en oblique, elle va continuer à prendre de la vitesse et peut tuer quelqu'un d'autre. Bref, c'est dangereux et interdit un peu partout dans le monde de tirer en l'air. Mais ce qu'on sait moins, c'est est-ce qu'on peut mourir en lançant une grenade en l'air? Eh bien, un Américain a testé cette semaine. Joris Danit a voulu faire le buzz sur Snapchat en vidéo, lol. Et vous le savez, la plupart des grenades explosent en 4 à 5 secondes. Il faut donc jeter la grenade suffisamment haut pour qu'elle ne retombe pas avant 5 secondes, eh bien, Joris a raté. Et ça a été diffusé en direct. Vide les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, alors, ouais. Deux histoires. Une histoire de grenade et une histoire d'armurerie américaine qui organise donc une tombola. L'une de ces deux histoires est vraie. Il est question donc d'armes. Raoul, première ou seconde histoire ? La première. La première. Si ça se passe, c'est la première qui vous le dira, bien entendu. Christophe Bourdon. Oui, je suis bon camarade, la première. La première, on va demander à Gilles Dalle. La deuxième, pour me démarquer. La deuxième, Manu Di Pietro. Corporate, hein, la première. La première, et enfin, Vincent Engel. Bah écoutez, dans ces histoires de bêtises humaines, les deux sont possibles, moi je prends les deux. Les deux, d'accord, eh bien, il ne se mouille pas, Vincent Engel. Voilà, c'est l'avantage d'avoir un invité qui peut tout oser. Oui, il peut tout faire. Vincent Flibussier, Roland Tambour, pour découvrir l'histoire vraie du jour. Une tombola américaine à travers cette armurerie ou cette grenade ? Eh bien oui, il y a bien une armurerie américaine qui, pour soutenir les victimes d'Orlando, fait une tombola avec comme grand prix la même arme qui a tué les gens à Orlando. À noter donc que depuis la tuerie, évidemment, les actions des vendeurs d'armes ont explosé. Et donc j'attends personnellement avec impatience une tuerie de masse dans une boîte de nuit où tout le monde sortira une arme vu que tout le monde sera armé. Vous imaginez dans le noir un tireur, quand il y a 200 personnes, si tout le monde commence à tirer dans le tas, ça va être un vrai massacre. Mais bon, ça n'empêchera pas de faire exploser les ventes d'armes à nouveau. America, fuck yeah! Eh ben, dis donc! On en apprend des choses dans cette émission et je vous encourage à envoyer miroir par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom, adresse. Notre invité du jour est Vincent Engel. Il vient nous présenter donc ce fameux miroir des illusions. On voulait passer un bel été. On voulait avoir des idées. Je ne sais pas si vous avez des idées de vengeance. Hein. Ça peut donner des idées parce qu'on sait que certains criminels aujourd'hui, on le voit dans des émissions, bien s'inspirent. Des Colombo, par exemple. Mm-hmm. Hein, est-ce qu'on peut s'inspirer de ce que vous avez écrit pour... Bah, écoutez, je peux rien dire. Oui, bah, évidemment qu'on peut. Tout inspire, mais aussi on se rend compte que c'est pas facile quand même. Hein. Non, ce qui est loin d'être facile, c'est l'histoire, parce qu'on pense tout savoir et en fait on est pris... On est pris par défaut, on est pris par surprise, parce que vous êtes un petit perfide, mon cher Vincent. Oui, heureusement que vous n'avez pas dit que je suis un grand pervers. Restez avec nous, on est presque sérieux. Cet ouvrage, il arrive chez vous très rapidement, Le miroir des illusions aux éditions Les Escales. Et dans la suite, Gilles Dalle, vous allez... très bon camarade. Parler de discours politique. Absolument, Walid. Eh bien, c'est parti. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. C'est presque sérieux sur la première. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Profitez-en dès vendredi. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants vous feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry et en voix française Patrick Poivre d'Arvor. Tickets sur hommegang.be, avec la première, la Loterie Nationale, l'Ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. Solde à Maasmechelen Village. Demain, profitez de réductions allant jusqu'à moins 50% sur les prix outlets. Venez faire un shopping tardif jusqu'à 21h dans plus de 100 boutiques de luxe. L'été commence ici. Tous les détails sur maasmechelenvillage.com. Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses. J'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite, drainant, antioxydant, agit en profondeur et durablement sur la cellulite. Réductin cellulite, en vente en pharmacie. Info sur réductin.be. La première présente la 51e édition des Vacances Théâtre de Stavelot. 22 spectacles avec Anne Roumanoff, Pierre Kroll, Alex Vizorek, Bruno Coppens, Josou Ben. Un programme exceptionnel, humour, théâtre, spectacle de rue. Les VTS reviennent dans le cadre enchanteur de l'abbaye de Stavelot du 30 juin au 10 juillet. Info web festival-vts.net. Les musicales de Belœil 2016, place à la danse. 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster, avec la première, la une et la Libre Belgique. Exceptionnel! Ce vendredi chez Intermarché, 10 euros de réduction à l'achat de 3 casiers de Jupiler, 24 x 25 centilitres. Conditions en magasin. Intermarché, tous unis pour gagner! Ouvert dimanche et jour férié, une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. La première, Mobile Info. Pierre Collard-Bovy, vous avez entendu? Oui. Il y a un blessé chez les Diables. Oui, ah non, moi je croyais que vous parliez des casiers de bière. Vous imaginez? J'ai entendu. On a un défenseur en moins. Oui, d'accord, mais oui, le monde s'assure mon détruit dans sa manche. Hein. des trucs. Vous pensez? Bon, ouais, c'est pas Carlos Vaquer. C'est un magicien. Non, la question, c'est vous faites quelque chose demain, Pierre Collet. Est-ce que vous pouvez pas le remplacer? Alors, en attendant, que se passe-t-il? Ça, ce serait beau, tiens. bien, écoute, toujours des ralentissements sur le ring de Bruxelles, assez conséquent, puisque 43 minutes supplémentaires pour l'extérieur, Zaventem Grand Bigard, plus 30 minutes pour l'extérieur, Grand Bigard au titre, plus 30 minutes encore également pour l'extérieur, Carrefour Léonard Zaventem, 24 en plus pour l'intérieur, Carrefour Léonard au titre, 23 minutes en plus pour l'intérieur au titre, Grand Bigard, plus 19 pour l'intérieur, Zaventem Carrefour Léonard. C'est-à-dire que ça ralentit vraiment partout sur le ring de Bruxelles. Quelques ralentissements également dus à une voiture sur le toit, sur la N25, Nivelle Corbet, hauteur de Bouzeval, la bande droite est neutralisée, vous perdez 12 minutes en direction de Corbet. Des ralentissements dus aux travaux sur le 19 Bruxelles-Valenciennes entre Nimy et Mons, vous perdez un quart d'heure en direction de Valenciennes. Sur le 429 Altournée, des travaux encore aussi, vous ralentissez surtout vers la France et vous perdez une grosse dizaine de minutes donc vers la France, je l'ai dit. Et puis sur le 17 Courtrai-Lille, la Réquiem, là c'est toujours plus ou moins 40 minutes perdues en direction de la France. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. Shopping! Ce dimanche 3 juillet, c'est plein soleil sur les soldes dans mon Walué Shopping qui m'offre un jour supplémentaire de shopping très vacances. Choper le meilleur des bonnes affaires, ça me donne déjà des couleurs. Des soldes plein soleil, c'est aussi ce dimanche 3 juillet au Walué Shopping. Shopping! Walué Shopping. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Dernière ligne droite de cette émission avant de retrouver Soir Première à 17h30 et nous avons un invité qui est l'invité Vincent Engel pour son roman Le Miroir des Illusions, éditions Les Escales. Nous vous l'offrons ce roman, en voyant simplement Miroir, au 6031 75 centimes le message, nom, prénom et adresse, hein. On passe de Venise à San Francisco, on passe par Berlin, on passe par New York également, avec des personnages qui ne sont animés que par une seule chose, une seule obsession, la vengeance. Ouais. Ouais. Ouais. Et donc on voyage beaucoup, oui. C'est vrai. Ouais. On ferme les yeux, on se dit, ah tiens, c'est beau. C'est les vacances. C'est les vacances. Tiens. C'est pas aussi confortable qu'aujourd'hui. Hein. Non, c'est vrai. On est en 1840 et traverser les États-Unis à l'époque, c'est pas terriblement. C'est pas rock'n'roll, oui. Alors, est-ce que vous croyez au destin, Vincent? Ouais, oui. Est-ce que, autrement dit, vous pensez que le fait que vous soyez écrivain, c'était déjà écrit à votre naissance? Oui, alors ça, je pense que ça s'est dessiné très très très vite par l'histoire familiale. Mmh. Comme ma maman était la petite nièce d'André Bayon, il y avait comme ça des ombres tutélaires et le livre était très très très important dans la maison. Mais j'aurais pu, si j'avais été doué, j'aurais pu devenir musicien parce que j'adore. Je crois que je préfère la musique à la littérature. Pas vrai. Mais par contre, je suis pas capable de jouer d'un instrument sérieusement. Donc voilà, je suis devenu écrivain parce que je savais pas jouer au piano. Et vous vous souvenez des premiers mots couchés sur le papier? Oui, c'était un. Alors le premier. C'était texte, un lundi. C'était un lundi. C'était peut-être pas un lundi, mais c'était. Je n'en savais rien du tout. C'était un alexandrin. C'est pas vrai. Et alors d'une nudité absolument confondante, hein, mais c'était un alexandrin. Ouais. Vous vous en souvenez encore? Oui, alors voilà. Mais ça reste entre nous. Allez, oui, personne n'écoute. Voilà. Okay, donc, bah, il paraît. C'est prouvé. C'était une perche que vous avez tendue. Mais pas chez nous, les gars, pas chez nous. Je vous demande beaucoup de concentration parce que ça va être un moment d'intense poésie. Allez-y. Donc, c'était sur le bord du ruisseau, une fleur s'ouvre au jour. Voilà. C'est un alexandrin. Après, ça continuait, mais ça n'était plus un alexandrin. Je vous épargne la suite. Mais donc, voilà. Tiens, lui, ne nous épargne pas son humour. Sympa l'intro. Merci d'être venu. C'est Gilles Dalle. Et cette semaine, vous en appelez, je pense, à une véritable refondation du discours politique. Mais oui, écoutez, chers amis, aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2016, hein, soit une date composée des chiffres 3, 0, 6, 2, 0, 1 et 6, qui additionnent les uns aux autres donnent très exactement, je vous le donne en mille, le nombre 18, à savoir l'âge très précis de l'entrée dans la majorité. Du coup, comme le 30 juin, c'est également la fin de l'année scolaire, eh bien, je vais profiter de la présente chronique pour en appeler dès la rentrée prochaine à l'entrée du discours politique dans l'âge de la majorité. En effet, dès ce 1er septembre, jour de la Saint-Gilles, je dis ça, je ne dis rien, j'en appelle à l'abolition définitive des facilités de langage qui trop souvent rabaissent le discours politique. Et je lance cet appel avec d'autant plus de fougue que ça me permettra enfin de me lancer dans ce tout nouvel humour dont je vous bassine depuis tant de mois maintenant. Alors bon, comme mon appel n'a pas encore été entendu, vu que je viens seulement de le lancer, eh bien, pour la toute première fois dans ce studio, attention, effet de manche, j'aimerais attirer votre attention sur trois techniques de langue de bois qui ont triomphé au cours des derniers mois et qu'il faut absolument avoir à l'esprit pour ne pas se laisser berner par elle. La première technique, la voici, elle consiste tout simplement et tout bêtement à répondre à une question par une autre question, beaucoup plus générale, à laquelle on ne répond pas. C'est facile, mais c'est redoutablement efficace et en général, ça passe inaperçu. Démonstration. Alors, monsieur le ministre, dites-nous au fond, qu'est-ce qui motive votre engagement politique ? Ce qui motive mon engagement politique, c'est quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Quelles valeurs allons-nous leur transmettre ? Et surtout, comment organiser le vivre ensemble ? Ok, et alors, comment ? En ne perdant jamais de vue ces grandes questions. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Quelles valeurs allons-nous leur transmettre ? Et surtout, comment organiser le vivre ensemble ? D'accord, mais quelles sont vos réponses à vous, à ces questions ? Écoutez, ce qui intéresse nos concitoyens, ce n'est pas que ce que moi je pense, mais c'est plutôt... Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Quelles valeurs allons-nous leur transmettre ? Et comment organiser le vivre ensemble ? Bon, ben, vous voyez le truc. Alors la deuxième technique consiste à minimiser le problème à propos duquel on vous interroge. Démonstration. Écoutez, monsieur le ministre de la mobilité, depuis que vous êtes au pouvoir, plus rien ne bouge, tout le monde est à l'arrêt. Certains automobilistes ont bougé de 8 cm en 76 heures l'autre jour. Les tunnels sont bouchés, les boulevards sont bouchés, les drèves sont bouchées, les artères sont bouchées. Bref, tout est bouché. Alors qu'avez-vous à répondre à nos auditeurs ? Écoutez... Je leur dirai qu'il faut savoir prendre un peu de recul, de concéder que les quelques petits problèmes de circulation en ville ne sont rien à côté du drame des réfugiés et de la faim dans le monde. Enfin, quel est le rapport ? Tout est dans tout. Oui, enfin, bon, enfin je note que jusqu'à l'année dernière, vous avez également été sous-secrétaire d'État aux réfugiés et que là non plus, on ne peut pas vraiment dire que votre politique fut couronnée de succès. Écoutez... Je dirais que tout cela n'est rien à côté de l'infini, de l'univers et de l'immensité cosmique. Bon, là aussi vous voyez le truc. Alors enfin, la troisième technique. Quand c'est on l'accent fait... de Bré. Je crois qu'on a eu les mêmes profs. Oui. Quand on vous fait un reproche, répondre que c'est faux, absolument faux, tout à fait faux, que vous n'avez jamais rien entendu d'aussi faux, que c'est de la désinformation pure et simple. Démonstration. Bon, monsieur le ministre, une première question. C'est faux. Mon Dieu, il craque. Le burn-out est arrivé, enfin. Mais écoutez, laissez-moi au moins poser une question. On connaît vos méthodes, hein. J'ai pas de méthode, enfin, je pose des questions. C'est faux. Si, je pose des questions. On connaît vos méthodes. Bon, écoutez, ma première question, toute simple. Vous êtes en charge de l'économie depuis que vous êtes aux affaires. Le pays a connu 27 000 faillites. C'est faux. Ah, mais non, c'est pas faux. Je savais que vous contesteriez ces chiffres, mais c'est votre cabinet lui-même qui me les a communiqués. Oh, ça va, on connaît vos méthodes. Et ainsi de suite. Et voilà, Walid, il faut vraiment qu'on en finisse. Ah, Gilles Dalle, on ne s'en lasse pas. Alors, je recommence. Gilles Dalle, Vincent Engel, vous êtes notre invité presque sérieux, où l'émission touche presque à sa fin, c'est le presque au mot de la fin, c'est parti. Cette conversation est terminée. Mon cher Vincent, on vous laissera clôturer cette émission avec un mot. On va vous laisser le temps de réfléchir à ce mot, le temps pour nos chroniqueurs du jour, et bien de nous proposer un mot en relation avec l'actualité, une actualité que vous avez résumée, Vincent Filibustier, avec quel mot ? Eh bien, c'est... On voit que vous avez préparé. Non, c'est parce que je me suis trompé d'anglais. C'est évidemment malentendu, puisqu'apparemment, voilà, la tuerie, ou pas tuerie, en tout cas la base américaine où il y a actuellement la présence d'un tireur, ça serait un malentendu pendant un exercice. Donc voilà, ah, donc tout c'est... le monde peut se tromper. Ah, bah voilà. Apparemment, ça serait. Apparemment. C'est du conditionnel. C'est du breaking news conditionnel. Raoul Reyers. Un truc tout simple. Je vous le dis. Dites-nous. Vous êtes prêts ? Allez. C'est très simple. Dites-nous. Bordeaux. Il oublie de tirer la chasse d'eau, son colocataire le menace de mort. C'est beau. Comme quoi, louer tout seul. Choisissez vos voisins. Oui. On va demander à Christophe Bourdon. Moi, c'est Bobby. Je ne sais pas si l'info est vraie, mais c'est un journaliste qui aurait demandé à Bobby Charlton, vous voyez, le grand joueur anglais, parce que l'équipe d'Angleterre de 1966 aurait fait face à l'Islande et Bobby Charlton aurait répondu 1-0. Là, le journaliste lui demande seulement 1-0 et là, Charlton aurait répondu oui, car la plupart d'entre nous ont maintenant plus de 70 ans. C'est beau comme réponse, c'est beau. Manu Di Pietro, presque mot de la fin. Mais écoutez, c'est honte. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le discours de Nigel Farage au Parlement européen. Bah, il y avait un parlementaire qui essayait de se cacher derrière lui sur la vidéo. Ouais. Et il dit qu'il voulait cacher son désespoir. Ah, bah, je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Et enfin, Gilles Dalle, votre presque mot de la fin. Écoutez-moi, c'est le mot annulation. Avec ce titre, la Cour de cassation valide l'annulation de l'arbitrage tapis. Avant peut-être qu'une autre instance n'annule l'annulation, laquelle annulation d'annulation sera peut-être annulée elle-même, au fond, on ne sait pas. Et enfin, le mot de la fin, pour clôturer cette émission, on revient à notre invité Vincent Engel pour le miroir des illusions. Vincent. Bah écoutez, Walid, moi j'ai envie de vous dire revenez de longues années, parce que j'étais un fan du jeu d'Edico, et c'est la première émission qui est vraiment l'héritière et qui reprend le flambeau. Et bah, je m'amuse donc, autant. Bah, ça va la craver sans plaisir, Olivier. Sincèrement, vous savez, vous me faites vraiment plaisir. Ah bah, ça écoutez. Se voit ou pas dans mes yeux? Ça me fait plaisir, Vincent. Ça me fait encore pleurer jusqu'à demain matin. Vincent Engel était presque sérieux. Le miroir des illusions que nous vous offrons, vous envoyez un miroir par SMS au 6031, nom, prénom et adresse. Et il reviendra pour parler de sa pièce. Merci Vincent Flibustier. Merci Walid. Merci Christophe Bourdon. Ça fait très plaisir, Olivier Monsens. Merci à vous, merci trop. Merci. Au plaisir. À Gilles Dalle. Merci à Raoul Reyers. Merci Walid. Et merci à vous, auditeurs de la première. Rendez-vous avec Soir Première d'ici quelques minutes. Et nous serons de retour demain pour clôturer la semaine en beauté pour un nouveau numéro de C'est Presque Sérieux. Rendez-vous demain 16h. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h, Le Monde est un village. Disque nouveau ce soir dans Le Monde est un village. Et puis aussi quelques nouvelles du festival Esperanza qui se déroulera début août à l'abbaye de Floreff. C'est dans Le Monde est un village, bien évidemment. Les cultures, les musiques du monde au plus près de vous. Le Monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants vous feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry et en